tient pas debout. Pourquoi tu freines? À quoi tu joues? Ça tient pas debout. Ça tient pas debout. À quoi tu joues?